Voici l'humeur de Guillermo. Non, oui, non, Guillermo. Bonjour les amis. Non. Salut. Bonjour. Oui. Alors ça y est, je suis enfin allé en Amérique. Et ouais. Et ah oui. Ouais. Ah c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je suis un peu déçu. J'ai même pas vu un meurtre. comme par hasard, quoi. Pour une fois que je traverse l'Atlantique, même pas une bavure policière, rien, remboursé, quoi. Vraiment. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un super truc pour surmonter enfin ma phobie de l'avion. C'était tout quoi en fait. Ça s'appelle la volonté, 6 anxiolytiques et 11 vodka. Alors c'est passé crème, mes deux vols sont passés à merveille. Voilà. Par contre, j'ai oublié tout ce qui m'est arrivé entre 92 et 2013. Malheureusement, c'est le problème. Ça a du retour, hein, comme cocktail, je peux vous dire. Mais j'avais lu dans la bio de Robespierre qu'il avait pris ça pour décompresser sur l'échafaud avant de se faire guillotiner. Ses derniers mots, c'était rien à battre de la révolution. Vive le lixanxia. Allez, tranche, Marcel. Sinon, je vous avais promis un débrief de New York. Ouais. Oui. Le voici. Je me suis senti mal. C'était un moment assez horrible et je dois dire les gens étaient assez hostiles. Et puis enfin, je suis sorti de scène et après j'ai pu découvrir la ville. Et verdict, New York. Eh ben honnêtement, tu sais quoi, je préfère Mulhouse. Mulhouse, c'est ma ville sûre, vraiment. J'étais il y a deux semaines à Mulhouse, tu sais à quoi t'en tenir. Trois rues commerçantes, une mairie, une église, c'est le top, quoi. Tu vas pas commencer à te casser la tête, à t'amuser, tout ça, ou faire des trucs. Alors que à New York, vas-y que je te mets des rooftops avec des piscines, des DJ de ouf et des meufs en bikini, etc. Pathétique, quoi, vraiment. Ça pue le manque de confiance, cette ville, vraiment. Tellement triste. Une ville qui essaie de se faire remarquer comme ça, c'est triste. Oui, chelou d'ailleurs à New York. Genre, je marchais dans Central Park et je suis tombé sur une fille hyper belle, stylée et tout. Et elle était en train de pêcher. Pêcher, putain! Moi j'ai le coffret DVD de Chasse et Pêche France, la seule meuf la plus stylée de l'émission, c'est une tanche quoi, tu vois, elle est floutée pour d'évidentes raisons que tu pêches pas quand t'es stylée quand même. C'est curieux, je ressens un peu que c'est vrai. Non, je sais pas. C'est curieux, Central Park, un espace vert gigantesque comme ça, en plein milieu d'une ville qui a remplacé le christianisme par l'immobilier. Je dirais, les promoteurs, ils doivent devenir dingues, quoi. C'est comme si t'avais un cube en plexiglas avec des enfants hyper beaux dedans et autour tous les curés les plus féroces du monde qui rôdent à l'extérieur en se jetant contre les vitres pour essayer d'entrer comme ça, avec le père Albert qui essaie de forcer avec sa camionnette oui, vache, vache et cuir. T'as été glauque cette métaphore. Putain. Par contre, je suis en jet lag, désolé. Après l'émission, on va en boîte. Ouh. Où suis-je? Que fais-je? Alors, ceci dit, heureusement qu'il y a Central Park pour s'aérer un peu. Manhattan, par 33 degrés, t'as l'impression d'être enfermé depuis 4 mois dans le caleçon d'un prisonnier de Guantanamo. Sans vouloir faire tout le temps référence au calvaire de Daniel Morin. Mais je veux dire, c'était vraiment suffocant. En plus, ils ont un système hyper efficace de bâtiments de 800 mètres de haut pour être sûr que l'air vicié stagne bien dans la rue. Quoi. C'est ça le rêve américain. En partant de rien, tu peux t'offrir n'importe quel cancer. Y a tout. Rien que dans le métro, par exemple. De New York, c'est le Two Girls One Cup de la mobilité. Ah, Daniel connaît évidemment. C'est le truc le plus malsain que j'ai vu de toute ma vie, quoi. Two Girls One Cup, on vous expliquera après l'émission. Et pour moi, c'est le truc le plus malsain que j'ai vu dans ma vie, le métro de New York. Et pourtant, chaque semaine, j'entends comment Nagui parle à ses stagiaires, quoi. Donc, c'est pour vous dire. Je trouvais vraiment. Je trouvais que le métro parisien, c'était vraiment crade à la base. Et là, j'ai vraiment des excuses à la RATP, quoi. Vraiment, en rentrant, j'ai petit déjeuner dans une rigole de la station Châtelet parce que ça m'a fait plaisir. En plus, je comprenais rien à leur système de rue, quoi. T'as la 26e, la 27e, la 28e. Et puis tout d'un coup, t'as un vrai nom de rue. Je veux dire, faut vraiment être important pour donner son nom de rue à quelque chose à New York. C'est pas comme à Paris, quoi. À Paris, si t'as été l'ostéopathe du général de Gaulle, t'as un droit à un boulevard, deux squares, une station de métro, quoi. Ceci dit, c'est vrai. C'était foisonnant quand même. J'avais jamais rien vu de foisonner autant. En rentrant, je me suis dit, Paris, c'est pas mal pour une ville de province. Et Bruxelles, c'est vraiment très sympa pour un camping, quoi. Donc voilà, j'y retournerai un jour, Inch'Allah. Oh merde, j'aurais pas dû dire ça. Là maintenant, c'est mort. Bon, allez, bonne émission, les amis. À bientôt. Bravo, Guillermo Guiz. La bande originale.